Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui va dans les ateliers d'art alsaciens et lorrains, à écouter une fois par mois sur Fadjet le vendredi à 18h. Aujourd'hui, je suis à Épinal, dans l'atelier Cocon de Teresa Wouters, créatrice de bijoux éco-conçus, inspirée par la nature, avec des matériaux recyclés, naturels et locaux. Alors, prêt pour un vol direct pour les Vosges et la nature ? Jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Dans le nord, le relief, c'est plat. Et quand je suis arrivée dans les Vosges, cette lumière et surtout ces montagnes aux formes arrondies, ça m'a tout de suite apaisée. Enfin, je me sentais toute petite par rapport à ces géants. Ils avaient des formes douces. Enfin, je me suis sentie bien. J'ai découvert toute la nature des Vosges, les myrtilles, la forêt de sapins et de hêtres. Inconsciemment, mes premières pièces se sont inspirées de la nature qui m'environnait. Winter came. Made it so look alive underneath the grass would grow. Bonjour Teresa Wouters, vous êtes créatrice de bijoux à Épinal. Donc votre atelier est installé à Épinal dans les Vosges, en Lorraine. Merci de me recevoir chez vous. Oui, bonjour, bienvenue dans mon atelier. Je suis heureuse de vous accueillir aujourd'hui. Teresa Wouters, vous êtes créatrice de bijoux et vous avez déclaré dans Vosges Matin, je vous cite, « Déjà petite, j'étais attirée par tout ce qui se fabriquait, mais je me suis laissée convaincre finalement de suivre une voie plus sûre. Racontez-nous. » C'est vrai que petite, je passais mon enfance à regarder par la fenêtre mon père qui bricolait, qui faisait des meubles en bois. Et j'ai toujours été intéressée par les objets. Je regardais un peu comment ils étaient fabriqués, toutes les étapes de fabrication, ça m'intéressait. Au collège, j'avais une idée assez précise de devenir designer produit. Je m'étais renseignée au CDI du collège. Oui. J'avais trouvé la formation, trouvé une école dans le nord de la France de designer produit. Et donc j'étais quasiment prête à aller aux portes ouvertes et puis j'en ai discuté autour de moi et c'est vrai qu'on m'a dit mais tu sais pas dessiner. Les gens m'ont parlé du métier de chef de produit. Oui. Du coup c'était une solution un peu plus sage d'être en contact avec des gens qui créent les produits, mais plutôt de gérer la vie des produits. Donc je suis partie finalement vers des études d'école de commerce. D'accord. C'est comme ça que je suis arrivée à l'ICN à Nancy. Oui. J'ai suivi une filière marketing. Et j'ai fait plusieurs stages et je suis arrivée à devenir chef de produit dans l'édition de livres pour enfants. Donc je suis rentrée un peu dans ce moule-là. Enfin, le métier me plaisait, mais au fur et à mesure, je me rendais compte que j'avais du mal en fait à trouver ma place et à trouver un peu de l'utilité à ce que je faisais. Je me suis posé des questions et j'avais envie d'avoir vraiment des relations vraies avec les gens. Enfin, j'avais besoin de plus d'humanité dans mon travail. Et c'est comme ça que je me suis dit, je pars pour le métier de professeur des écoles. Et étant très perfectionniste, oui, c'était très difficile pour moi, en fait, d'avancer. Et j'avais un peu le rêve de changer un peu le système en montrant aux enfants par l'action, en faisant beaucoup de projets qu'on pouvait énormément apprendre. Sauf que dans le système actuel, je trouvais pas forcément ma place. Et je prenais conscience petit à petit qu'en parallèle, passer ma vie à découvrir différents métiers d'art, à chercher des techniques pour pouvoir réaliser toutes les idées que j'avais en tête. J'ai rencontré à Nancy un bijoutier. C'était dans le cadre d'une MJC. Pendant un an, j'ai suivi ce bijoutier toutes les semaines et il m'a montré toutes les bases de fabrication des bijoux, toutes les bases de la bijouterie. Et là, ça a été un peu le déclic et j'ai vraiment été attirée par ce métier parce que ça me semblait totalement fermé. Les bijoutiers, pour moi, ils étaient fermés un peu comme dans un écrin dans leur boutique. Ça me semblait un métier totalement inaccessible. Et quand il, avec sa simplicité, il m'a montré les gestes, J'ai commencé à créer des outils. Donc chez moi, j'ai commencé à monter mon petit établi et je passais ma vie à essayer de réaliser mes premières pièces, à souder. Je balayais toutes les bibliothèques avec tous les ouvrages possibles et imaginables. Avant, je n'aimais pas forcément l'anglais, mais je me suis rendu compte que tous les ouvrages intéressants étaient en anglais. Et je me suis formée grâce à ce bijoutier et j'ai acquis toute une culture grâce à tous les livres que j'ai lus. Après, ça m'a vraiment donné le goût de m'investir dans ce métier. Et du coup, j'ai cherché des formations et j'ai découvert qu'au Pôle Bijoux à Baccarat, ils proposaient des stages de perfectionnement. Donc, je me suis perfectionnée avec plusieurs formations au Pôle Bijoux à Baccarat et je continue à me former tous les jours parce que un artisan se forme tout au long de sa vie. Aussi savoir aller rechercher l'information et prendre tel ou tel livre et être aussi acteur. Et après, quand on a une idée de bijou en tête, qu'on a envie de la réaliser, on sait très bien que c'est telle et telle technique qu'il faut. Faut pas hésiter à continuer à apprendre et surtout pas rester seul, isolé avec ses propres idées. C'est super important d'être entouré d'autres professionnels. C'est toujours un partage d'idées et c'est toujours intéressant de travailler à plusieurs. Et en 2014, vous sautez le pas, vous avez 31 ans et vous décidez d'ouvrir votre boutique au cœur historique d'Épinal, donc dans les Vosges en Lorraine, Tilline. Alors pourquoi Tilline et pourquoi les Vosges ? Tilline parce que tout d'abord ça a du sens pour moi, parce que j'ai toujours créé depuis que je suis au collège, j'ai toujours cherché en fait à réaliser les idées que j'avais en tête. Donc au début ça a commencé par des créations en tissu. Et j'avais déjà ce goût du perfectionnisme, de la finition parfaite. Et donc, j'avais voulu apposer une petite marque sur toutes mes créations. Mmh. Et avec ma petite sœur, j'étais au collège. Et donc, on s'est dit, mais quelle marque, quel nom on pourrait mettre? Et j'aimais beaucoup les sonorités espagnoles. On a pris tout simplement un dictionnaire d'espagnol. J'ai ouvert la première page. Et le premier mot qui ressortit, c'était Tilline. On a regardé la définition, ça voulait dire taper dans l'œil. Et à partir de là, c'est resté j'ai conservé toujours Tilline, donc Tilline sur des créations textiles. Et puis après, ma sœur, quelque part, m'a permis un peu de faire évoluer l'histoire, parce qu'à chaque fois, c'est un peu elle qui a été un peu le déclencheur. Grâce à elle, enfin, elle s'est mariée, donc du coup, je lui ai réalisé sa robe de mariée. Mmh. Et à l'époque, je venais de rencontrer le bijoutier qui me montrait le travail du métal. Et du coup, je me suis dit, bah, pourquoi pas faire ses bijoux en argent pour son mariage. Pour son mariage. Et donc, du coup, je suis partie à la recherche de fournisseurs d'argent pour aller lui faire ses premiers bijoux de mariée. Alors ça, c'est pour Tilline. Et alors, pourquoi les Vosges ? Et pourquoi les Vosges ? Encore une histoire personnelle. Parce que les Vosges, en fait, bah voilà, j'ai suivi un Vosgien. Vous n'êtes pas des Vosges ? Je ne suis pas des Vosges. À l'origine, je viens du nord de la France. Mm-hmm. Ensuite, je suis passée par Paris. Je suis aussi un peu passée par l'Italie pour mes études. Donc, j'ai pas mal bougé. Et puis, je suis tombée sous le charme d'un Vosgien, on va le dire. Dans le Nord, le relief, c'est plat. Et quand je suis arrivée dans les Vosges, cette lumière et surtout ces montagnes aux formes arrondies, ça m'a tout de suite apaisée. Je me sentais toute petite par rapport à ces géants. Ils avaient des formes douces. Enfin, je me suis sentie bien. Enfin, j'ai l'impression que c'était un peu des géants, un peu bienveillants. Et j'ai découvert toute la nature des Vosges, les myrtilles, la forêt de sapins et de hêtres. Je me suis dit, mais ça gagne vraiment à être plus connu. Enfin, ça m'a vraiment touchée au cœur. Et inconsciemment, bah, mes premières pièces se sont inspirées de la nature qui m'environnait. Les premières collections, c'est une collection autour des myrtilles, où je travaille un disque d'argent que je viens emboutir pour lui donner une forme un peu concave, que j'emboutis pour évoquer un peu le dôme de la myrtille. Oui. Et je viens souder une petite pièce d'argent que je martèle de plein de petits trous pour un peu évoquer les graines que l'on voit un peu par le fond de la capsule de la myrtille. Je travaille avec une finition que je veux venir brosser et la petite capsule que je vais finir en finition brillante pour venir contraster et mettre en valeur le dôme de la myrtille. Alors justement, vous venez de l'évoquer, la nature est omniprésente dans vos créations, vos premières créations, puisque ça fait même pas un an que vous êtes installé à Épinal. Vous, votre spécificité, c'est justement que vous créez des bijoux éco-conçus en respectant l'environnement et en portant une attention particulière aux matériaux, à la sélection des matériaux et à la conception de vos objets, puisque vous essayez dans la mesure du possible de prendre effectivement des matériaux qui sont soit locaux, recyclés, comme du métal recyclé. C'était le cas pour les myrtilles. C'est aussi le cas, il me semble, pour une bague qui s'appelle Ballon de la collection Montagne et Ballon. Alors si je vous parle de cette bague-là, qu'est-ce que vous me dites ? Ah, je vous dis avant tout douceur. C'est un peu ce que j'évoquais, la douceur de ces géants. En fait, j'ai voulu retranscrire un peu cette douceur et ces reliefs vosgiens à partir d'un travail de dentelle, à partir de fils d'argent. En fait, la bague est formée, on pourrait imaginer un peu une sorte de couronne avec, mm-hmm. avec chaque ballon arrondi, enfin chaque montagne, et du coup des sortes de vagues qui viennent se souder sur un fil d'argent à la base. Du coup, chaque petite montagne est évidée et ce qui donne cette impression de dentelle. Donc quand on la porte sur le doigt, elle est assez aérienne et très très fine et très très délicate et aussi très graphique parce que du coup les formes des ballons nous donnent un joli motif. Parce que moi ce qui m'intéresse surtout c'est de faire des bijoux qu'on puisse porter tous les jours, qui soient à la fois graphiques, simples et délicats et du coup je donne un peu la première clé d'entrée où je dis aux gens que là c'était les montagnes et donc les ballons, ces montagnes arrondies des Vosges qui m'ont inspirée. Pour une autre collection ce sera peut-être les lacs avec reflets sur le lac, donc je donne un peu cette première clé d'entrée mm-hmm. et après les gens après ils sont libres de voir ce qu'ils veulent, ils ont le début de l'histoire et ça va être continuer l'histoire. Et moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de donner du sens à ces bijoux. Je suis en train de développer une collection pour les mariés, de parures de mariés. C'est de redonner un peu du sens à tous les événements de la vie de tous les jours. Donc là, vous venez de parler de la bague ballon de la collection Montagne, où les Vosges sont une source d'inspiration inégalable. C'est vrai qu'avec vos collections myrtilles, reflets sur le lac ou encore au bord de l'eau, vos collections respirent la nature. D'où vous vient votre inspiration ? Mon inspiration vient souvent quand je me pose, c'est au cours de balade. J'aime beaucoup me balader sur les sommets, à avoir un point de vue et me poser et puis voir tous ces ballons qui m'entourent. Et c'est vrai que mon petit coin favori, c'est le Haut du Taux. C'est le plus haut village des Vosges. Ouais. Il y a un Haut du Taux, il y a un point de vue. Et donc j'aime bien me poser sur les pierres. C'est un peu la réunion de tout ce qui m'inspire, parce qu'on voit tous ces ballons qui s'enchaînent. Au pied, on a de la bruyère, on a des myrtillers. Et à chaque étape, moi, j'aime bien y aller parce que là, on commence à voir les feuilles des myrtilles qui démarrent. Ensuite, on verra les petites fleurs et puis les clochettes qui vont se former pour ensuite donner la myrtille qu'on pourra venir récolter et déguster en juillet. J'aime bien suivre la nature au jour le jour. Et un autre endroit qui me plaît beaucoup, c'est aussi quand les routes sont dégagées, c'est d'aller tout là-haut sur la route des Crêtes. Et c'est là où on voit les lacs. Et c'est de là où j'ai eu l'idée de la collection Reflets sur le lac. Vous êtes là-haut sur le haut des Crêtes. Vous vous installez, vous commencez à dessiner sur votre calepin. Comment ça se passe ? J'ai toujours un calepin sur moi, je prends des notes, je dessine, des fois je dessine même pas, je m'imprègne de l'atmosphère et des fois c'est le soir, après une journée bien remplie où finalement il y a une idée qui vient comme ça. Quelle va être votre prochaine collection et de quoi sera-t-elle faite ? La prochaine collection, ça sera autour des parures de mariée, autour de la perle, des perles d'eau douce, de l'argent. Et je suis en train d'essayer de travailler pour dompter la ficelle de lin. Mais au niveau de la durabilité du matériau, c'est pas forcément évident de trouver des traitements qui sont adaptés et respectueux de l'environnement aussi et de la peau de tout à chacun. Mais il y aura de l'argent et des perles, ça c'est sûr. Et donc pourquoi les parures de mariée ? Les parures de mariée, enfin, pourquoi le thème du mariage me tient à cœur, c'est parce que j'ai vraiment envie de redonner du sens à tous les événements importants de la vie. Et le mariage, c'est un tellement bel engagement que j'ai envie que les mariées portent des choses qui ont du sens pour elles. Et j'aimerais qu'elles puissent aussi... qu'elles puissent reporter leurs bijoux facilement par la suite, qu'elles puissent garder ce beau moment comme un souvenir. Et je suis en train d'imaginer des bijoux pour ces futurs mariés. Alors ici, par exemple, j'ai dessiné hier le modèle sera un bracelet de mariée. Et tout autour, je vais souder, on peut imaginer comme un peu comme des picots pour venir insérer sur chaque picot tout autour de ce bracelet des petites perles d'eau douce que je vais venir riveter. J'ai besoin de fil d'argent que je vais mesurer. Donc d'abord, je vais mettre mon fil bien à plat. J'utilise un tas en acier. Donc c'est une sorte de carré. C'est une sorte de carré d'acier. Donc là, mon tas, eh ben, il est complètement plat. Oui. Et donc, quand je vais venir taper avec un marteau dessus, il va venir prendre la forme du plat de mon tas d'acier. Comme ça, je redresse mon fil qui est bien plat. Mmh. Ensuite, je vais mesurer la taille du bracelet que je veux faire en fonction du poignet de la cliente. Donc, je vais venir découper ce fil d'argent avec ce qu'on appelle en bijouterie un boc-fil. C'est tout simplement une petite scie de bijoutier avec une lame très fine. Et on va venir ici en appui sur ce qu'on appelle nous la cheville. Je vais venir m'appuyer contre cette cheville. Je vais appuyer mon fil d'argent et je vais venir scier. Voilà, j'ai scié. Maintenant, on va préparer ce fil d'argent à la soudure. Mmh. Donc, je vais limer bien plat chaque extrémité. Quand je vais venir tordre ce fil pour venir mettre chaque bout l'un en face de l'autre, il faut que ces bouts soient en parfaite correspondance. Donc, il faut que je les lime vraiment bien à plat. Donc, je les lime en faisant attention à l'axe. Pour bien limer dans l'axe. Ensuite, je vais prendre mon poste à souder. Oui. C'est-à-dire que c'est une pierre qui est réfractaire. Comme ça, je vais pouvoir venir allumer la flamme de mon chalumeau. Donc, c'est une pierre réfractaire. C'est en isolant, quelque part. D'accord. Donc, je vais venir ici mettre en forme à l'aide de pinces mon fil d'argent. Oui. Que je viens poser sur cette plaque. Ensuite, le métal, quand on le soude, il s'oxyde. Et quand il s'oxyde, la soudure ne prend pas. Donc, il faut venir le protéger avec ici du borax. On dirait de l'eau. On dirait de l'eau, c'est transparent. Donc, je viens déposer sur chaque extrémité pour protéger la zone où je soude. Je vais déposer une fine gouttelette de ce qu'on appelle ce liquide de borax. Donc, ensuite, je vais également mettre sur un petit paillon de soudure. Un petit paillon, c'est-à-dire ? Un petit paillon, en fait, c'est un tout petit carré de métal. D'accord. C'est un métal qui est légèrement différent de l'argent pour qu'il puisse fondre avant que l'argent ne fonde. Donc, je dépose délicatement juste à l'endroit où je vais faire ma soudure. Je dépose ce petit paillon de soudure. Je viens... Alors là, je viens d'allumer le chalumeau. Je règle la taille de ma flamme pour régler la puissance. Et là, je vais venir tout doucement réchauffer l'ensemble de ma pièce par des mouvements circulaires pour progressivement faire monter la température de mon métal. Ok. Et progressivement, je vais venir me focaliser sur la soudure pour venir chauffer. Et on va la voir là qui commence à se fondre. Ouais. Et voilà. Ensuite vient toute une phase de limage pour venir enlever tous ces surplus de soudure et qu'elles viennent disparaître dans le métal. Donc on va utiliser des limes, du papier, ce qu'on appelle du papier émeris, comme le papier de verre pour le bois, mais pour le métal. Mmh. Et donc on va à chaque fois créer des rayures. Donc à chaque fois on va utiliser différents grains pour venir au fur et à mesure effacer toutes ces rayures. Donc ça c'est un travail quasiment le plus long. Le plus laborieux. On va vraiment très finement. Oui, c'est dans le détail, là. C'est vraiment dans le détail. Limite, des fois, on ne le voit pas à l'œil nu. Et là, c'est fini ou il y a encore autre chose après à faire ? Et après, ces étapes de l'image, la dernière étape, le polissage. Ce qu'on appelle polissage, en fait, on utilise des petits disques de feutre sur lesquels on vient déposer une pâte, ce qu'on appelle la pâte à polir. Et c'est une pâte qui contient plein de petits éléments, des micro-éléments abrasifs. On pourrait imaginer un peu comme notre dentifrice. D'accord. Ouais. On va utiliser une première pâte pour dégrossir On va venir approcher notre bijou près de ce disque qui tourne. Et on va venir approcher ce bijou et venir le polir avec une première pâte qui va dégrossir. Et ensuite, une autre pâte qui va venir, si on veut faire une finition brillante, qui va venir faire la finition, ce qu'on appelle aviver. On va faire briller le bijou. Et après, on peut venir faire différentes finitions. Si on veut une finition, ce qu'on peut appeler martelée, on va utiliser un marteau ciseleur. Je vais du coup mettre le bracelet sur cône à bracelet. Donc c'est un cylindre en acier extrêmement lourd. Oui, qui est assez grand quand même. Hein, qui est assez grand. Qui fait quoi? Qui fait 30 cm, 40 cm à peu près de hauteur. De hauteur. Et en fait, ce qui est conique, du coup, en fait, à chaque fois qu'on enfile le bracelet, il va venir se poser à la bonne taille du poignet. Okay. Mon bracelet est enfilé sur mon cône en acier. Et ici, moi, je vais venir... Et là, vous tapez dessus. Voilà, d'accord, vous tapez. De façon irrégulière, et c'est ce qui va me donner ce qu'on appelle un martelage. Donc, je crée plein de petites facettes. Et en faisant ça, je durcis aussi mon métal, ce qu'on appelle aussi forger le métal. Parce qu'à chaque fois que je tape sur le métal, qu'il y a une action mécanique sur le métal, je vais venir le durcir. Parce que quand je l'ai chauffé, j'ai ramolli le métal. Et donc la bijouterie, c'est toujours une alternance entre les phases de chauffe qu'on appelle recuire le métal pour venir l'assouplir, pour pouvoir venir le former plus facilement. Et ensuite de forge pour venir le durcir. Toujours, j'imagine, avec le souci d'utiliser par exemple le sapin des Vosges, d'utiliser des matériaux locaux. Oui, au niveau des matériaux, j'utilise de l'argent qui est recyclé. Du coup, c'est un affineur en métaux précieux qui, lui, se charge de collecter l'argent. Ça peut être ce qu'on appelle les broutilles d'atelier. Ça veut dire toutes nos chutes d'argent que les bijoutiers ont dans leur atelier. Ils se chargent de les collecter. Ça peut être aussi de l'argent qui est contenu dans des soudures, par exemple, de circuits imprimés ou des anciens couverts d'argenterie. Enfin, tout ce qui peut contenir de l'argent, lui, se charge de les refondre et de les retitrer au titre légal de l'argent, qui est du titre 925. D'accord. Et après, au niveau des autres matériaux, j'utilise également principalement les bois locaux. Comme le sapin. Le sapin, il est léger. Et donc, c'est à partir de ce constat que je me suis dit, ça serait parfait pour faire mes boîtes, mes écrins. J'utilise également le hêtre vosgien parce que lui c'est un bois dur et il est particulièrement du coup adapté pour la fabrication des bijoux qui ont besoin d'être durs et résistants. Donc du coup j'utilise le hêtre par exemple pour faire un peigne en bois pour les cheveux ou des créoles pour le modèle créole de la collection Montagne. Les Journées européennes des métiers d'art 2015 viennent de se terminer. Elles avaient pour thème territoire de l'innovation. Est-ce que vous avez utilisé des techniques novatrices pour créer vos bijoux? Ah oui, justement, en parlant du bois et du hêtre, c'est tout à fait à propos parce que le bois, je voulais vraiment mettre au point un prototype de peigne et il faut vraiment travailler le bois dans la finesse. Et j'ai rencontré quelques difficultés techniques. On m'a proposé de participer à ce qu'on appelle un Speed Fab Lab. En fait, c'était le CERFAB, c'est un centre de formation aux arts verriers qui se situe à Vannes-le-Châtel, qui, au sein de l'école, a créé ce qu'on appelle un Fab Lab. Ce sont des outils à commande numérique qui sont mis à disposition. Dans mon projet de fabrication de peigne, j'ai utilisé un laser qui m'a permis de découper le bois très finement. J'ai pu découper le contour de mon peigne et découper toute une fine dentelle dans le bois. Comment vous vous sentez, Teresa Wouters, quand vous créez dans votre atelier à Épinal? Je dirais apaisée. Je me sens vraiment détendue. Il y a une atmosphère, j'expliquerai ça comme un apaisement. Après, il y a différentes phases dans la création où quand on va avoir une nouvelle idée de bijou, tout de suite, ça va être l'excitation. On va vouloir prendre un planer d'argent, venir dessiner le contour de sa pièce pour rapidement arriver à l'ébauche du bijou. Et ça, c'est vraiment une étape que j'affectionne tout particulièrement. Et une autre étape, c'est à la fin de la conception du bijou, quand on commence toutes les étapes de... ce qu'on appelle en bijouterie le polissage, en fait, et on va commencer à révéler un peu le bijou. Et moi, c'est un peu l'étape où je trouve qu'il prend vie. Ouais. Et il commence à la fois il m'échappe parce que quelque part il m'appartient plus. Quand je sens qu'il prend vie, je sais que bah voilà, le modèle est abouti et que j'ai réussi mon pari. Teresa Wouters, ça fait un petit peu moins d'un an maintenant que vous êtes installée à Épinal. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour vous lorsque vous êtes installée et qu'est-ce qui a été le plus agréable ? Le plus difficile, je dirais finalement les autres. Essayer de convaincre tout le monde qu'on a ça dans le sang et que c'est une évidence pour nous et qu'on quitte peut-être quelque chose de très stable et qui rassure tout le monde, mais que c'est pas forcément dans ce domaine-là que je m'épanouissais. Moi, je me sentais me vider petit à petit. Et du coup, c'est surtout de convaincre les autres et que c'est toute cette étape où il faut trouver des personnes bienveillantes pour croire en notre projet et nous aider à foncer, à y aller, parce que quand on est persuadé d'une chose, faut foncer, faut y aller, faut pas hésiter. Je suis mesurée, donc j'ai attendu quelques années avant de me lancer, mais à chaque fois que je devais me projeter dans mes précédents métiers, bon, c'était ça mon problème. J'arrivais pas à me projeter et je me disais toujours, mais si ça va pas, enfin, dans 10 ans, je créerai quelque chose, Styline verra le jour. Je m'imaginais forcément dans la création et faut foncer. Il faut pas hésiter. Et justement, pour un jeune qui souhaiterait peut-être devenir créateur ou créatrice de bijoux, qu'est-ce que vous aimeriez lui dire à ce jeune ? S'il a une idée et qu'il y croit à fond, s'il est omnibulé par ses idées, il faut qu'il y aille, qu'il se lance, parce qu'il y a toujours des belles personnes à rencontrer qui l'aideront sur son chemin. Après, il faut se renseigner sur les formations. Il faut toujours un minimum de formation pour pas se retrouver tout seul non plus dans le grand bain. Qu'est-ce qui a été agréable lorsque vous êtes enfin installée à Épinal dans votre atelier ? Ce qui a été très agréable, pour moi, c'est la rencontre avec les gens, parce que pendant longtemps, on mûrit notre projet, on crée nos prototypes de bijoux, et la rencontre avec les gens qui nous disent « mais c'est super ce que vous faites » et qui veulent en savoir plus, qui viennent à notre rencontre et qui viennent nous démarcher spontanément pour dire « j'aimerais vous connaître », la plus belle récompense, et se dire qu'on leur fait aussi un bijou qui va partir dans une autre vie. Enfin, savoir que voilà, on a une petite part dans la vie des uns, des autres, moi, ça me plaît beaucoup. Là, ça fait donc, je le disais, presque un an que vous êtes installée. Mmh. Quel bilan tirez-vous de ces premiers mois ? C'est positif, énormément de rencontres, beaucoup de bons retours. Ça s'annonce plutôt bien comme démarrage. Et prochainement, j'ai quelques pièces qui seront exposées dans un musée. J'ai un très bel accueil pour ces premiers mois d'existence et je suis très fière et ça me donne énormément d'énergie pour continuer la suite. Et bien, écoutez, merci beaucoup Teresa Wouters d'avoir pris le temps de me recevoir ici dans votre atelier dans les Vosges. On vous souhaite effectivement une longue vie à Tilline. En tout cas, je crois que c'est plutôt bien parti. Moi, si je retiens une phrase ou un mot de ce que vous venez de me dire, c'est que finalement, il ne faut pas hésiter. Si on a une passion, il faut y aller. Ouais, faut croire en ses rêves et foncer. Merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt, au revoir. Retrouvez toutes les photos de l'atelier de Teresa Wouters dans la page Facebook de Main de Maître, ainsi que la formation Les Débouchés pour devenir créatrice ou créateur de bijoux sur la page de Main de Maître. Le mois prochain, nous irons à Mulhouse, en Alsace, pour découvrir le métier d'ennoblisseur textile. À bientôt. Thank you.